Go, go, la review d'Ipress JB. Toute l'actu du jeu vidéo chaque matin dans tes oreilles. C'est pas sexy choucroute ça? Y'a pas mieux pour frétiller comme des petites truites. Comme des petites truites. La revue de presse JV. Maison de qualité depuis 2017. Et ouais. Plus stimulant que ton café et meilleur pour la santé. Bonjour à toutes et tous, nous sommes le vendredi 1er février 2019 et donc bienvenue dans la revue de presse JV, votre podcast quotidien qui vous parle jeux vidéo chaque matin. Le vendredi, c'est le vendredi relax, hein, vous connaissez la formule, donc on va sur une petite émission en mode détente avec au centre ce matin de cette édition la Nintendo Switch qui n'en finit pas de côtoyer les sommets. Et il y a des chiffres très intéressants dont j'aimerais vous parler. Avant toute chose, n'oubliez pas, si vous êtes tipeur, la revue de presse rétro spéciale Resident Evil 2 est arrivée. C'est disponible via le Tipeee, comme d'habitude. Alors on va parler de Switch, de Nintendo, mais de Switch en particulier, bien sûr, puisque les résultats trimestriels de Monsieur Nintendo sont tomber. Et à chaque fois, la référence sur le net, celui qui nous détaille tout ceci avec des graphiques, des explications absolument incroyables sur Twitter, je vous mets le lien du fil Twitter hein, d'ailleurs dans la description de l'émission, c'est monsieur Oscar Lemaire, le spécialiste des chiffres sur GameCult, qui a aussi son site Ludostri. Sur le fil Twitter dont je vous ai mis le lien hein, dans la description de l'émission, il y a moult informations. Alors je ne vais pas non plus tout retranscrire là ce matin, vous irez voir ça, mais j'ai retenu les infos qui m'intéressaient le plus et qui étaient susceptibles de vous intéresser également. Il faut savoir, très chers amis, que la Switch a atteint un total de 32,27 millions d'exemplaires écoulés dans le monde au 31 décembre dernier. J'ai envie de vous dire, c'est énorme. La 3DS, quant à elle, en est à 74,84 millions. En 2018, si on se concentre vraiment sur l'année 2018, ce sont pas moins de 17,4 millions de Switch qui ont été écoulés, dont 9,41 millions sur le dernier trimestre. Hein, dernier trimestre donc qui se caractérise par une hausse de 30% des ventes. Oscar Lemaire nous dit sur Twitter que la 3DS n'a jamais fait aussi bien. Il nous dit aussi qu'en alignant le rythme de vie des consoles, la Switch fait mieux que la PS4 et la 3DS. Quand même hyper bluffant. La Wii est la seule console qui est encore devant à ce niveau-là. Côté jeu, sachez qu'en moins d'un mois, Super Smash Bros. Ultimate a été écoulé à 12,08 millions d'exemplaires dans le monde. Il est déjà la deuxième meilleure vente de la série après Brawl. Bon, à mon avis, Brawl va se faire exploser la face dans peu de temps. Le génialissime, l'excellentissime, le cultissime, oui j'ose le dire, Super Mario Odyssey a surpassé Galaxy et est désormais l'épisode en 3D le plus vendu de la série. De son côté, Mario Tennis Aces est désormais le Mario Tennis le plus vendu également. Oscar Lemaire nous précise qu'il n'est qu'à 70 000 exemplaires de Mario Football sur Wii, jeu de sport Mario le plus vendu de l'histoire. Et pas le meilleur certes, mais enfin sur Wii effectivement ça favorisait ses ventes massives. Petite ombre au tableau, malgré tout, nous dit Oscar Lemaire, car il est toujours bon de nuancer. L'activité mobile de Nintendo a réalisé un trimestre record, certes, mais c'est toujours à un niveau très faible. Cela représente effectivement seulement 3,3% du chiffre d'affaires de la société. D'ailleurs, il ne vous a pas échappé que Mario Kart Tour, hein, le free-to-play Mario Kart sur mobile, devait sortir là au mois de mars, a été repoussé à l'été. On l'a souvent répété dans cette émission avec comparaison de chiffres, etc., que sur mobile, Nintendo, c'est pas encore la fête, mais ils ont le temps de remettre tout ça bien en branle, surtout que le nouveau président de Nintendo, là aussi, ça a souvent été évoqué dans la revue de presse JV, le président de Nintendo veut absolument mettre le turbo sur ce secteur-là. Et on va bifurquer chez Nintendo Différence, qui lui nous parle aussi de la Switch, mais côté développeur. Effectivement, puisque nous dit Nintendo Différence qu'un sondage pré-Game Developer Conference 2019 nous révèle que près de la moitié des développeurs privilégient la Nintendo Switch. Le site nous explique que c'est une habitude annuelle, hein, bien sûr, avant la GDC, dont l'édition 2019 aura lieu du 18 au 22 mars à San Francisco. La 7e enquête donc sur l'état de l'industrie du développement de jeux vidéo a dévoilé des résultats qui donnent un petit peu les tendances comme ça du marché. L'étude compile, nous explique-t-on, les réponses obtenues auprès de 4000 développeurs et révèle certaines données permettant de mieux comprendre la direction prise par l'industrie. Le rapport complet contient de nombreuses données intéressantes, dont des informations détaillées sur l'impact des consoles actuellement commercialisées. La Switch est un fort sujet de conversation, notamment grâce aux performances commerciales réussies par de nombreux jeux indépendants par rapport aux autres plateformes. Je fais une petite parenthèse, là aussi, on a très fréquemment évoqué le sujet dans cette émission. Énormément de jeux indés se vendent pour les trois quarts sur Switch. Il y a même des jeux indés qui sont devenus de gros succès grâce à leur version Switch. Donc, ceci dit, ce rapport donc évoque quelque chose qui n'est pas nouveau, mais c'est quand même bien de revenir dessus. Il s'avère donc, nous dit l'article de Nintendo Différence, que près de la moitié des développeurs estiment que la Switch est la console la plus intéressante sur le marché. Les jeux sur lesquels ces professionnels travaillent ne reflétant évidemment pas forcément leur véritable intérêt. Ce résultat, bien que la plateforme plébiscitée demeure le PC, est en nette progression puisque seulement 36% des interrogés en 2017 manifestaient ce sentiment envers la console de Nintendo. En un an donc, il semble que la console hybride se soit forgée un marché qui intéresse davantage les développeurs que les autres consoles. En outre, il s'avère qu'un développeur sur 4, à peu près 24%, a vu son jeu se vendre mieux, bien mieux qu'espéré même sur Switch, que sur une autre plateforme. Ces chiffres sont obtenus en demandant précisément aux créateurs, nous dit Nintendo Différence, s'ils avaient sorti un titre sur la console hybride et quel en a été le résultat par rapport aux consoles concurrentes. Le nombre de répondants correspondant à ces critères est faible, nous dit-on 13%, bien qu'il s'agisse du double des développeurs ayant répondu à la même question l'année dernière. Par ailleurs, 10% des interrogés déclarent travailler actuellement sur leur premier jeu Switch et 31% envisagent de le faire prochainement. On nous précise aussi que parmi ceux ayant lancé un jeu Switch, la plus grande partie, 43%, ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas comparer les résultats par rapport aux autres consoles, notamment parce que le jeu n'était sorti qu'exclusivement sur l'eShop. Donc en conclusion, Nintendo Différence nous dit qu'en comparant ses résultats à ceux de l'enquête de l'année dernière, une légère mais significative augmentation se remarque quant au nombre de développeurs déclarant avoir créé ou étant en cours de création d'un jeu sur Switch, ainsi que du nombre de personnes interrogées ayant déclaré ne pas pouvoir comparer leurs résultats. En conséquence, nous dit-on, il paraît logique d'en conclure une augmentation notable de développeurs créant des titres exclusivement pour cette bonne Nintendo Switch. Nintendo Switch qui est sur le toit du monde. Tous ces chiffres sont impressionnants et on ne sait pas où cette console va s'arrêter. On va déjà attendre de voir comment va être l'année sur Switch, mais moi je le sens bien. Ouais, je ne sais pas vous, mais moi je le sens très bien. On s'achemine donc vers la fin de l'émission. Je vous remercie de m'avoir suivi toute cette semaine. Vous le savez, hein, l'émission est disponible H24, 7 jours sur 7. Si vous avez loupé une édition, toujours moyen de la rattraper. Je pense qu'il y a encore cette semaine de bons sujets à se mettre sous la quenotte. Et donc j'aimerais remercier les tipeurs. Merci de votre soutien. Le nombre a un petit peu baissé encore, mais il y a toujours un noyau dur qui est là et je vous remercie énormément, c'est hyper important, surtout que je pense qu'il y a vraiment des chouettes bonus, surtout que la revue de presse rétro donc revient pour de bon avec ce 30e numéro sur Resident Evil 2. Il y en aura une par mois, vous le savez, toute l'année 2019. Je tiens donc à remercier Mopral, Laure, Guillaume, Gérald, Julian, HXC, Tulkas, Space Cowboy, Bertrand Amar, Denis Jeep, Cédric, Lina Nounette, Gourigou, Pikachu, AHL9, Nicolas, Yvan Le Pierrot, Machin Truc 76, Mike, Vanifraise, X, Nihili, Carnoct, Melkioc, Laurent, Luterian, Aza, Sloaconet, Evolix, Forza Pedro, JP Madère, Fabien et Monsieur A. Merci à toutes et tous. Merci aussi pour vos petits messages, vraiment, qui font chaud au cœur sur Twitter ou ailleurs. Merci à Natacha pour le montage. Et donc, je vous dis à très très vite, à savoir lundi, pour attaquer une nouvelle semaine de Revue de Presse JV. Allez, portez-vous bien, excellent week-end et bye bye.